Ah, 10-50, R2O, accord CNM. Ah, 10-60, Doggy Style, ouais, Lille Belle. Ah, 11-90, DI, ouais, Phénomène Cool. Ah, ouais, un nouveau son, quoi. On m'a transmis la rage de l'esclavage. La chance vient pas à moi, je vais l'atteindre à la nage. Celui qui touche à ma mif me saigner comme un porc. J'ai sorti mon premier album, il demande un temps mort. J'arrive dans le rap comme un putain de cannibale. 10-50 c'est le code, Kinshasa capitale. Fais de la maille négro, des liasses plus grosses que des briques. Veuillez oublier là à ma mère et le reste en Afrique. Trop de jalouse. Squat mon secteur. Trop de jalouse. Squat mon secteur. Trop de jalouse. Hey yo, moi c'est T-Style là, l'homme à qui tu peux pas tester. L'homme inimitable parce que mon flow est trop brutal. Quand tu l'écoutes, t'as des coups de brûlure tellement t'as kiffé ma voix de Renoir. De Renoir. J'suis tellement bien sapé que quand j'suis pas bien sapé, j'suis mieux sapé que ton padre. Ouais. On m'a toujours dit que j'étais né pour le micro. C'était quand j'avais 2 ans que j'ai lâché ma première rime. Et maintenant tu vois ce qui est devenu de mon talent. Toi-même tu sais que je suis le vainqueur. Même ta sœur me connaît par cœur. Elle croit tout savoir, mais elle sait pas que je suis le meilleur. Je suis tellement bien classé que les rumeurs moi les stop. Trop de gens ont cru que j'étais un petit, mais quand je les ai clashés, ils ont commencé à voir des tics. Ici c'est T-Style là, donc ferme ta bouche. Squat mon secteur.